إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Chers frères et sœurs, nous présentons nos excuses pour ça, quelques minutes de retard là, mais sans plus tarder, nous venons avec le sujet. Quand nous bédions le sujet, chers frères et sœurs, nous prenons un petit peu l'eau ça qui nous vient prendre la semaine passée pour nous ajuster avec sa semaine là, Inch'Allah, concernant nous les sons. Quand nous bédions une récapitulation, l'eau ça qui nous vient prendre la semaine passée, Alhamdulillah, est en trois volets. Un, nous disons que concernant le sujet, nous pouvons en première partie une vraie croyance. Comment est-ce qu'il nous pouvons croire dans sa croyance quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait dire nous bil qadri. Déjà, c'est nous pouvons avoir une question et un doute. Une question qui est soulevée dans la tête de Bandimoun. Ou bien un doute qui est arrivé concernant ce sujet-là. Et troisième, nous pouvons ban erreur et ban malcompréhension. Ban erreur et ban malcompréhension, le qui nous peut référer, le ban fausse croyance, ou bien le ban causé qu'il fallait dans la société, sans qu'il n'y ait aucun preuve là, qui dit que nous devons accepter lui, et je devons amener une croyance là, et je devons vivre là. Ça que nous disons ensemble, la semaine passée, alhamdulillah, c'est concernant la question qui vient, mais elle comme ça, pas toucher. Alhamdulillah, ça va nous passer, nous venons guetter à la lumière de ban ayat Quran, ban hadith, question de ban sahaba, ban compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que je vous pose question concernant ce sujet-là. Et aussi en dernier, nous tiguet hadith Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut dire que les causes concernant le ban compagnon reste tranquille. Pareil comme ça même, il finit dire que les causes concernant destin restent tranquilles. Pourtant, c'est un hadith authentique qui vient vers nous, mais alhamdulillah, il finit une explication par le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant ça, ce hadith-là. Dans quel sens le prophète sallallahu alayhi wa sallam à qui ban? Dans quelle direction le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient dire pas tout ça, si j'ai là, pas cause concernant ça, pas cause concernant ça, si j'ai là. Ça, c'est un rappel, chers frères et sœurs, ça qui nous dit prend. Semaine passée, nous tiens l'eau. Nous prenons l'île, nous tiens l'eau quoi? Ce qui est le sujet dans lui-même, en arabe, c'est comme ça que nous appelons l'île. Al-Qadr ou Al-Qadr. Qui fait le dégouvement ensemble? L'autre signification, qu'il soit dans le langage arabe, les deux commencent ensemble concernant cette croyance qui une personne a menée là-dedans. Chers frères, c'est quand nous disons Al-Qadr, il veut dire Al-Mahmabla Hushay, veut dire quantité de une petite chose. Alhamdulillah, quand nous disons Laylatul Qadr, qui fait le bingé sa nom-là, parce qu'il y a une seule la nuit, mais seulement quantité. Récompense qui un dimoun gagné dans un seul la nuit, c'est une des bonnes raisons qui fait les gagne ça non là. Mais seulement quand nous venons du côté d'île, Al-Qadr veut dire Tahdir Allah lil ka'inati hasbima sabaqa bihi ilmi wa qtadat bihi hikmati. Quand nous venons dire Al-Qadr, c'est quoi? C'est ça qui Allah subhanahu wa ta'ala fait couler toute bonne créature arrivée par sa connaissance et par sa sagesse. Ça, c'est ça qui s'est passé, alhamdulillah. Nous venons de dire ensemble. Ensuite, chers frères et sœurs, le mot confort. Le mot confort, il veut dire al-qadr, la création. La création veut dire, ban quelque chose, tout, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ban quelque chose là, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son rafoussilat concernant ban les chiens, faqadahunna sab'a samawati fi yawmayn. Faqadahunna veut dire, il finit faire, il finit créer. Cette légère dans des jours. Ça qui est avec nous, c'est quoi? C'est que le mot pendant fin être servi, Allah subhanahu wa ta'ala fin amené pour lui faire nous comprendre qu'il fin faire la création. Ça, ça qui nous a arrêté la semaine passée, nous continuons ça qui est avec nous pour aujourd'hui, chers frères et sœurs. Comment nous dire qui concernant une vraie croyance, ben point qui est avec nous, c'est qui brève, qui nous bien connaît ça ce sujet-là. Est-ce qu'il vraiment nous bien connaît? En général, on dit toute chose n'a pas non ni pas ban source, ban base. Quand nous veut dire ban source, c'est quoi? Veut dire quand on gagne ça l'information là concernant pour ça dire là, pour ça action là. Quand on gagne ça. Quand nous dit une action d'ordi, une parole d'ordi, je pense quand nous dit à Dimouna, mais quand on gagne ça, pas dans le livre, pas avec un tel nom. En d'autres mots, nous pouvons dire que ça dit là, il y a une source. Pas depuis n'importe qui ça n'a, mais quand ça te fait gagner ça. Soit depuis le Coran, soit depuis le Hadith. Ça dit là, c'est 2000. 2000. De plus important de tous. Si Allah subhanahu wa ta'ala vient de nous, Rasul sallallahu alayhi wa sallam vient de nous mettre en face, ou Rasul sallallahu alayhi wa sallam vient d'expliquer. En trois journées, nous avons ce qu'on appelle Ijma, consensus. Ijma, c'est quoi? C'est que tout le monde sahaba vient d'accord le sa action. Un exemple, chef monsieur, c'est un homme qui nous trouve avec nous aujourd'hui. Dans le monde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il nous y a d'un qui est un sahaba en demande dans le Nabawi? Dit-il un Quran qui m'a servir? Ne trouve pas une réponse non. Qui fait? Parce que ça Quran n'a pas fini d'être compilé, excepté après que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam quitte dunya. La question qui finit, mais qui vient maintenant fin faire ça? La réponse, c'est que tout le sahaba fin d'accord, oui, nous pouvons déjà compiler ça Quran. Quand nous mettons tout le sahaba fin d'accord, dans nous dit comment on appelle ça? Ou bien moi, à quoi va sahaba? Ça vous explique moi, li. Mais dans dit comment on appelle les chers frères, c'est ça même qu'on appelle Ijma. Jama'a veut dire Zouen. Ijma veut dire ce tout fin Zouen. Ce tout fin d'accord là, qui sa action là, les permissibles. Au don, quand nous payons près du destin, quand nous payons près du destin, c'est quoi? C'est qui nous gagne droit à prendre. Nous gagnons pas contre ça quelque chose là. C'est pas une quelque chose qui vous a gardé pour certaines personnes. Ou bien vous n'avez pas amené nous la table. Non. C'est que quand nous gagnons le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dans Surah 33, Surah Al-Ahzab, ayat numéro 38, quand il fait cause concernant le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ma kana ala nabi min haraj fi ma faradallahu la. Peine aucun haraj, peine aucun problème. Là. Veut dire le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala fait obligatoire l'oubli. Ensuite de dire sunnat Allah. Fais bien attention à ce thème. À partir de là, nous vous trouvons qu'il y a un ayat qui cause le destin, définitivement avant pour y avoir quelque chose qui peut aider nous. Alhamdulillah pour nous plus comprendre le sujet. Sunnat Allah. Sunnat qui veut dire. Sunna, je préfère nous dire, après, et j'ai la délacade Sunna. Livré, mais seulement Sunna, quand nous prenons ces principes, et un principe, et une façon de faire. La consigne nous dit, Sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Qui fait parce que ça prophète, son principe, tu peux faire dans ça? Dans sa façon-là, Sunna d'Allah, Allah est un principe, je veux. Allah subhanahu wa ta'ala, un principe, je sais. Allah subhanahu wa ta'ala, son principe, c'est qu'il n'y a pas fait. Quand arrive, disons, un fait, quand je trouve une zone comme la rivière Gans, il fait la rivière là, on dit ramasse tout du jeu. Ce n'est pas le principe de ça. Ce principe, c'est qu'il te continue à vivre, toi. Arriver d'un malade ou bien quoi, d'un mort, il y a là, tu te rends compte. Mais seulement, pas la cause de Pierre-Ville de Boudja, il est fait à Mandila, craser le toit. Ce n'est pas le principe de ça. Alors, ce n'est pas le principe de la vie. Pas la cause. Mon papa imam, mon papa muazzin, veut dire mon papa non, Inch'Allah, t'as la fait facile. Pas principalement ça. Pas la cause. Ce papa, un bandit, son enfant là qui apprend depuis janvier, février, vers époux, la cause ça, Allah fait libérer. Ça, pas principalement ça. Allah subhanahu wa ta'ala, dans la vie, il y a un principe, cher frère. À ce qu'on peut dire nous comme ça, sunnat Allah, il dit, il n'a pas la oubliqab. Ça, tous les temps, les principes, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ma vie, il vit avant. Ensuite, il dit, wa kan amrullah. Et l'autre, Allah, am, l'autre, qadaram ma'adoura. C'est pas une petite chose qui me finit décréter. Allah, mais cause, le destin avec nous. Côte ça, d'un coup, un. J'aime bien ça, c'est les pécoses, destin avec nous dans le Coran. Comment se fait-il nous dire, ça nous va prendre compte, mais combien ayat nous ne nous pas prendre compte à l'autre. Allah subhanahu wa ta'ala, comme pécoses avec nous dans le Coran, gagne le droit de dire ça nous prend compte, ça nous va prendre compte. Ça nous rentre, ça nous. Est-ce qu'il nous gagne envers ça? Ou bien, au trop l'officiel Mikaf, rentre dans l'islam complètement. Védien vous prend tout ça qui est là, ça qui est là vous prend. Pareil comme ça, mes chers frères et sœurs, quand vous gagnez, ça qui est là, subhanahu wa ta'ala, dit nous dans le Surah Ayat 49, il dit Inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadr. Inna, certainement nous. Allah subhanahu wa ta'ala fait cause concernant lui-même. Kul la chair, kul. Kul, c'est un mot arabe qui, quand nous prenons le dans le grammaire arabe, il dit Ta'oumou bihi al-jamir. Il englobe tout là-dedans. Tout. Inna kul la chair. Allah subhanahu wa ta'ala dit certainement tout qu'il chose, khalaqnahu, nous fait une crédit. Comment tu fais une crédit au Allah? Bi qadr. Avec une destination. Veut dire qu'il finit prédire ça. Veut dire qu'il a un laps de temps. Il y a un laps de tous les temps. Ça. Dans ça, il y a un laps de temps. Allah subhanahu wa ta'ala fait cause concernant la création. Apporte Allah, tout ça qui restait, qui était, toute créature. Le fait qu'il y ait une créature, il y a un laps de temps, oui ou non? Il y a un laps de temps. Prends les débris de Jibril alayhi salam. Vins qu'a dernier créature qui Allah il crée. Il rentre dans sa ayat là, oui ou non? Il rentre dans sa ayat là. Allah subhanahu wa ta'ala fait cause avec nous concernant ce sujet pareil, oui ou non? Quand il peut dire nous, toute chose qui vient créer. Oh Allah, apporte-toi toute créature. Le fait qu'il apporte Allah toute créature, être sûr, cher frère, toute chose vient être créée avec pardon. Toute chose, Allah, même sa vie qui donne la case, ça l'achète là, ça la case là, prend tout qui appelle créature. Tout vient être créé avec un cadavre, un destin, un laps de temps, oui ou non? Excepté qu'il tout finit créé avec un laps de temps. Nous contient, chers frères, dans le livre de Surah 25, Surah 30, deuxième ayat, Allah subhanahu wa ta'ala, comme peut faire nous concernant sur ma qualité, Al-Nabi a moul pour samawati wa l'or, wa l'a mietta qui voilà d'ailleurs, c'est lui qui moul, lui possède tout par l'échelle de la terre. Et il n'y a pas qu'il prend aucun enfant, wa l'a mietta qui l'a mouchari qu'on fait le moul, il n'y a aucun associé dans son royaume. Wa khalaqa kulla shay'in fa qaddarahu taqdira. Il crée tout quelque chose et en même temps qu'il crée tout quelque chose, Allah subhanahu wa ta'ala qui fait, il vient mettre un qadar avec lui. Veut dire qu'il vient mettre un laps de temps avec lui. En même temps qu'il rentre dans la vie, il vient faire la création, en même temps qu'il fait chez le il vient mettre un prédestiné pour lui. Mais toi, pas le plus temps, non. Il a un laps de temps. Toi, l'eau 1 an, toi, l'eau 6 mois, toi, l'eau 60 ans, l'eau créature des cieux. Toi, depuis la création, ce qu'a joué Priyama, tout ça qui l'incrée, l'incrée avec un laps de temps précis et lié à Allah subhanahu wa ta'ala l'économie. Donc, chers frères et sœurs, ça est comme ça, il y a beaucoup d'ayat là pour nous, mais nous n'avons 6 3. Ça, 3 ayat là pour nous, alhamdoulilah, ou Allah dans ton Coran, ton cause concernant des stèles. Tu peux faire nous comprendre que oui, tout quelque chose te vient créer avec un destiné. Nous continuons quand nous gagnons déjà une source qui nous est là de nous dire, c'est ma hadith. C'est ma parole, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que le prophète une cause concernant ça quelque chose là? Est-ce qu'il y a une adresse avec ce mal compagnon? Alhamdulillah, si nous rappelons la semaine passée, premier parmi mal qui nous a amené, c'est Hadith Jibril alayhi salam. Quand Jibril alayhi salam, tu viens vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et quand il vient dire à la fin, fa innahu Jibril, atakum yuhallimukum dinakum. Ça c'était Jibril alayhi salam. Il vient venir pour enseigner, je dis. J'aimerais que quand Jibril alayhi salam, tu poses question, il vient poser question le iman. Et la réponse qu'il a gagné, c'est quoi? En tout cas, billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wa yawmi al-akhir. Ensuite, il va dire wa tu'mina bil qadri khayrihi wa sharri. Et tu as une croyance dans le destin. Les immigrés l'enfance de là. Lorsqu'on s'en va voir, ça fait une cause. La croyance de l'ange, de l'ange, de prophète, de l'ange, de jour qui est là. Mais seulement quand il arrive au destin, chers frères et sœurs, il remet. Dire maintenant face l'Ola. Nous continuons quand nous venons à dire Abdullah bin Omar radiallahu anhu. Attention, chers frères et sœurs, nous disons bien. Ça a sorti avec l'autre semaine, ça qui est avec nous, c'est nous l'école maternelle. Qui veut dire pour l'école maternelle? Aujourd'hui, moi, le grand comptable. Tout ça, chiffre qui est devant moi là. Moi, j'ai oublié qu'il y a un artiste qu'on apprend dans l'école maternelle. Chiffre qu'on apprend dans l'école maternelle. Aujourd'hui, quand c'est grand comptable, on vient chiffre qu'on apprend dans l'école maternelle, là, vraiment, c'est riche, oui, non? Virement service. Aujourd'hui, nous sommes capables de mettre en lettres le littérature par une joueur. Il restait mon ABCD, c'est le même qu'on apprend. De maternelle. Virement service, car c'était là où nous. Ça dessine maintenant, je vais passer aujourd'hui avec l'autre semaine, Inch'Allah, c'est ma base. pour nous comprendre ce qui vient après. C'est ma base qui nous comprend ce qui vient après. Et alhamdoulilah, c'est une passion que je t'explique. Quand nous étions conduction, pas une condition de classe, une condition pour nous cadrer nous-mêmes afin qu'ils nous comprennent ce sujet-là. Pour nous cadrer nous-mêmes, c'est ne pas poser des questions qui sont pas faire. Ensuite, nous essayons ça qui nous gagne, nous arrête la même. Et non pas nous commence, servir nous l'esprit. Quand nous gagnons ça, hadith, là, je vais presser, elle ne va pas dire qu'il nous peut servir comme preuve et non pas comme explication. Parce que son explication après pour venir. Qui a dit là, rapportez par ordre, il y a un moment où il y a un moment où il y a un moment où il y a toute chose finit être créée jusqu'à même faiblesse pour l'intelligence. Toute chose finit être créée, mais pas là, finit être décrété ça. Toute chose. Jusqu'à même faiblesse ou bien l'intelligence. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire? Hatta al-'ajz wa al-kais. Al-'ajz, faiblesse. C'est le contraire de courage, c'est du monde qui a fait quelque chose. Faiblesse, chers frères et sœurs, le sou sallallahu alayhi wa sallam qui fait finalement lire dans ce hadith là, parce qu'au fait que nous guettons un dimon quand il y a une faiblesse, c'est qu'à part lui, il va me sentir bien. Ou bien il va manger. Ou bien il n'a pas de raison. Sa faiblesse, ça quand il prend, à l'intérieur sur les corps, oui non. Il est pas à l'intérieur sur les corps, oui non. Ça, c'est n'est qu'un point de l'âme jetant, ça. Alors, moi, je suis pas là, mettre un point de l'âme jetant. Pas qu'il reste une faiblesse, disons, il reste une faiblesse, non. Dans 3 états, dans 10 états, tu réponds, tu préfères. L'intelligence. L'intelligence, quand ça y était. Donc, à tête d'un dimon. Et donc, c'est à la servir d'un dimon. Alors, moi, je suis pas là, ça aussi. Décrété. Et là, du coup, comme il y a des gens, tu connais bien même encore. Après, il te dit comment oublier ça. Et pourtant, moi, je vais montrer ça. Et pourtant, moi, tu connais ça. Mais tu as oublié après, oui, non. Qui fait? Parce qu'il même lit en dans nous, il y en dans nous les corps. Nous, nous pouvons rester gagnés. Mais Allah subhanahu wa ta'ala qui fait. Les filles mettent ça, c'est pour elle? Pour être certaine des temps. C'est pour être certaine des temps. Ça a dit qu'il nous gagne dans son muslim. Lorsqu'on s'en va voir, pour aller voir ça, il peut montrer nous, à travers ça, dès l'exemple-là, jusqu'à qui point Allah subhanahu wa ta'ala tout qui chose chers frères et sœurs, il vient mettre qui point pour un certain temps ça. Pour un certain temps. Nous continuons chers frères et sœurs quand nous gagnons. Et dis-moi, troisième preuve de nous dire. Premier nous gagnons pour un. Deuxième nous gagnons dans le hadith, parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Troisième nous gagnons Ijma. Ben dire que tout le sahaba vient d'accord, l'on sait le million, je viens dire oui. Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf ibn Madi al-Nawawi. Au fait, nous connaissons ce nom à la fin. Imam al-Nawawi. Imam al-Nawawi. Chers frères et sœurs, si nous guettons au fait de la même qui nous guette 40 al-Nawawi. Ce n'est pas un titre de livre ça. 40 al-Nawawi. J'ai envie de couper Dieu là. Je dis, ce n'est pas un titre de livre ça. 40 al-Nawawi, c'est nous un timon. C'est un timon qui compile le hadith, le Sahih Bukhari, le Sahih Muslim, Tirmidhi, Nasa'i, Abu Daoud. Ibn Majah, c'est un quelqu'un qui compile un hadith, il finit 40 hadiths, il dit si vous apprenez ça ou appliquez ça, comment dire, vous comprenez ça d'une. Comment dire, vous finissez tout dans la loi d'une. Le livre, il gagne ce nom, basant le seul auteur. Car il va en avoir, oui, pour lui, ce bon travail qu'il vient faire, chef professeur, c'est un livre, les journées des vertus. Rien de solide. Riyad al-Salihin, c'est un nom qui nous donne là. Au fait, c'est pareil. Il compile ban hadith, il vient mettre un livre qui vient en 3 volumes et il vient prendre ce nom là. Imam al-Nawawi, pour nous, l'action qu'il vient faire, chers frères et sœurs, Sahih Muslim. Livre, Sahih Muslim. Livre explique Sahih Muslim, prend depuis le premier hadith, qu'a dit hadith. Livre explique Sahih Muslim, prend depuis le premier hadith jusqu'à dernier hadith. Donc, son explication, il dit. C'est ban preuve clé depuis le Coran et hadith et consensus ban sahaba le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'idée, quand tu as un hadith, adil en prière, ban preuve clé, personne ne peut pas réfléchir. Minal guitar, depuis le Coran, wa sunna, depuis ban hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa ijma' al sahaba, et tout ban sahaba, le qui tu sais la fin d'accord, ala ifbat qadrullah, qui vraiment Allah fait décret tout quelque chose. Et dans le Coran, et certainement en commencement, alhamdulillah, quelques minutes de ça nous dit, et dans le hadith, parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit même ce qu'a faiblesse, l'intelligence, Allah vient décréter, pour un certain temps, ensuite il fait nous connaître, Imam al-Nawawi, il dit que tout le sahaba, Je tout fait ijma, je tout d'accord. Pays na un sahaba, cher frère, pays na un personne qui vient gagner type sahaba, qui vient accompagner le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui dit comme ça, vous connaissez le code d'Allah. Ben, majorité sahaba d'accord, moi pas trop d'accord. Pays na aucun sahaba qui dit ça. Tout sahaba d'accord, qui oui, ça qui est dans le Coran, dans le hadith, le tout d'accord, qui tout quitte chose, Allah subhanahu wa ta'ala, finit à venir pour un certain temps et finit décrété. Chers frères et sœurs, à partir de là, nous disons bien, il n'y a pas de point, nous ne disons pas plus important qu'il n'y ait pas de tension. Non, il n'y a pas de point que le prophète, le cousin, un petit peu plus attention, il n'y a pas de point sensible. En premier, étape ou bien pilier du destin. Comme nous disions la semaine passée, ou imaginons un petit peu de cause de destin. Vous voyez que c'est pour ça, on va la petite. On va la petite, c'est pour ça. Sophie, il est sous la main. Ah, il veut qu'on descend là-dedans. L'état pour aussi question que vous déposez destin, vous connaissez destin et n'a pilier. Il y a dit un pilier. Qui vous dit cette fois-là? Il dépose une petite chose qui lui pas même bonne. Sur ma colonne, c'est quoi? Alhamdulillah, ça m'a passé que nous étudions, c'est un de ban étape fondamentale qui est un du monde quand il n'y a pas un sujet pareil. Il dépose un sujet pareil. Comment tu n'as pas cause de l'islam, tu n'as pas connu l'islam qui est reposé? Qui te pose là? Comment tu peux faire cause de l'iman, tu peux connaître l'iman qui est reposé? Comment tu peux faire cause de destin? Au fait, ce premier c'est Al-Ilm. Il repose de Al-Ilm. Deuxième, il repose de Al-Kitab. Troisième, il repose de Al-Mashi'a. Et quatrième, il repose de Al-Khalq. Quatre colonnes. Chers frères et sœurs, M, D, 3, 4. Sa quatre colonnes qui nous trouvait là, nous ne pouvons pas dire où écrit l'écran, nous ne pouvons pas dire où écrit elle. Si moi envie qu'on le sujet, mémorise-le avec mon équipe. Pas avec la tête. Mémorise-le avec mon équipe. Veut dire, mais mon équipe là dans mon vie, quand ça quatre petites choses là, c'est quoi l'os? Une fois qu'il nous rentre dans mon équipe, on comprend ça quatre petites choses là, c'est quoi? Moi, je trouve qu'il est sujet vide. Vin passer. Qui garde quelque chose? N, Al-Ilm. Deuxième, Al-Kitab. Troisième, Al-Mashi'a. Et quatrième, c'est Al-Khalq. Jean, il y en a pas. Oui. Quand nous étions les chers frères et sœurs, les vignes comme suit. Al-Ilm. Al-Ilm, au fait, quand nous traduisons, c'est ça même qui ne traduit pas la connaissance. Quand nous pédions la connaissance, à qui nous référons? La connaissance d'Allah. Deuxième, Al-Kitab. Quand nous pédions Al-Kitab, c'est l'écriture. Ça qui finit être écrit. Ou bien ça qui nous capable de dire le script. Script, c'est quelque chose qui finit être écrit. Troisième, chers frères et sœurs, quand nous pédions concernant Al-Mashi'a, troisième pilier, c'est vouloir, ouler. Vouloir, ouler quelque chose. Et quatrième, Al-Khalq, c'est la création. Une fois que nous comprenons ça, quatre piliers là, chers frères et sœurs, c'est quatre piliers du destin. Ça lui disait bien de mon équerre pour mon esprit comprendre et me soumettre à cette chose là. La connaissance d'Allah. Deuxième, l'écriture. Troisième, c'est vouloir. Quatrième, c'est la création. La création, il va s'y prendre là. Inch'Allah, nous prenons tous les quatre, un peu par un. Nous vous disons, prendre dans la même colonne là, vous nous connaissez. Mais ce qui vous dit, vous faites par la colonne là, afin que nous l'étage vite, vite solide. Quand nous prenons la création, chers frères et sœurs, apporte Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça qui restait, c'est quoi? C'est une créature. Ça. Qu'il y soit Jibril, qu'il y soit le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y soit environ 24 000 prophètes, qu'il y soit une petite chose qui Allah fait faire, qui par attache avec lui ou bien sur bonne qualité, qui paraît tout dans son nom ou bien sur bonne qualité. Concernant Rabbul Alami, chers frères et sœurs, tout ça qui restait jusqu'à même Kaaba. Kaaba, c'est quoi? C'est une création. C'est une création. Pliez maintenant des encrases Kaaba. Madame Kazi. Une création, ça. Quand nous dédions la création, dans la tête, il y a quoi là? Avant qu'il nous prenne approfondir, Inch'Allah, c'est quoi ce qui apporte à l'autre? Tout ça qui restait, c'est créature. Vouloir, rouler. Qui nous met retient pour vouloir, rouler? C'est ça même quand nous traduisons Al-Mashi'a. Chers frères et sœurs, c'est un de nous qui nous invitons à servir, c'est quoi? Inch'Allah. Al-Mashi'a. En deux mots, quand nous pouvons dire vouloir, rouler quelque chose, qui s'en a sur rouler, nous pouvons poser la mot rouler. T'as rouler? Qui s'en a sur rouler? Allah s'en rouler. Quand nous pouvons dire faudrait Allah rouler, si Allah rouler, ça c'est troisième. Deuxième, l'écriture, script, l'écriture. Qui l'écriture peut causer là? Qui l'écriture ne peut causer? Chers frères et sœurs, nous les attendons. Nous les attendons, ce qu'ils nous appellent l'or il marfouf. C'est ça qui nous peut causer. Ici là, c'est ça qui nous peut causer. Nous attendons. Au fait, ça livre là qui était ça. Quand il dit, qui est là-dedans comme ça? Qui décrit là-dedans? Qui décrit là-dedans? Ça. Il faut bien un petit monde qui compte ça, même quelque chose là. Pour ensuite, il est capable de causer ce sujet. Tous les deux, les systèmes de l'or, ils m'apprennent, ils m'apprennent, ils m'apprennent, mais ça qui a l'air de ça même, non? Est-ce qu'il vraiment dit comme ça, ça? Est-ce qu'il vraiment dit comme ça? Ça qui a l'air d'écrire ça même là? Mais en premier, tout le monde connaît l'or, ils m'apprennent, c'est quoi? Comment tu peux dire ce qui a l'air d'écrire? En premier, chers frères, la base de tout, c'est ses connaissances. Quand on peut dire à la reine connaissance, ce n'est pas mot connaissance, ou connaissance, ce n'est pas ban di moun zot connaissance, c'est connaissance. Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, les quatre piliers là bien évolué. Nous disons bien, pas juste écrit, nous pouvons être connus pour qui? Pour qui est pas pour la tête, pour qui est dans les guerres. Nous pouvons être connus afin qui? Demain, quand je pose un sujet comme ça avec moi, alhamdoulilah, je peux connaître comme ça, je peux aller. Nous commençons, chers frères et sœurs, premier pilier, c'est connaissance. Quand nous causons connaissance, qui s'en a sur connaissance nous peut causer? Connaissance Allah. Ça veut dire qu'une phrase est « Ilmullah ». Connaissance Allah. On lit bien ça. Nous peut causer qui s'en a sur connaissance? Connaissance Allah. Connaissance Allah, le qui est venu. Le qui est dit. Connaissance Allah, comme ça y est dit. Chers frères et sœurs, « Ilmullah ». Nous parlons le passé. Pour nous qui là. Allah connaît oui non. Causons nous-mêmes là. Causons nous fait nous comprendre là. Parce qu'il passe ce bouse la tête, oui, on a raison, pas raison qui nous fait miser là. Nous miser la conviction. Chers frères et sœurs, chacun parmi nous là, nous le passer dans la moindre détail. Est-ce qu'Allah connaît? Est-ce qu'il voudrait s'y faire comprendre ça là? Zis pour moi ou bien tout dit moun. Avant dit, si vous le 29 août 2014, prends depuis Adam alayhi salam qui descend dans la terre jusqu'à aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala connaît tout ce qui vient de passer dans le monde là, oui non. Il connaît tout ce qui vient de passer dans la mer là, oui non. Il connaît tout ce qui vient de passer entre la terre et l'échelle, oui non. Quatrième bien sûr. Connais complètement ma connaissance. Allah c'est quoi? Parce que moi pour moi-même, j'ai oublié ce qui vient de passer. Mais seulement Allah subhanahu wa ta'ala qu'on doit nous. Chers frères et sœurs, ilmul hal. Hal veut dire asti à la prison. Ou diamant comme ça, oui, nous connaissons vendredi, ou tu dans ma zine. Ça pour moi. Ça pour vous ou devant moi. Mais il n'y a pas de proche, nous pas de proche famille. Capable nos enfants, capable nos messieurs, capable nos madames, capable nos petits-enfants. Nous quittons la case, oui, nous. Nous quittons la case. Tant bien là. Nous quittons. Mais nous connaissons qui veut la case. Non, mon crioli, mon diable, oui, ou gamin crioli. Ou connaît qui lui fait la case? Pourtant, il passe même les hommes là, oui, même les. Chef de ce dans la case, il a omis. Il est sous la sang. Quand quelqu'un dit, moi, quand il est, dès qu'il m'a dit, il est sous la sang. Mais est-ce qu'il me connaît qui lui fait faire? Chef de ce, est-ce qu'il nous d'accord qu'il y a quelqu'un qui connaît qui lui fait faire seulement? Est-ce qu'il me comprend qu'il appelle connaissance à l'homme le présent? Mon frère, mon cousin, mon famille qui est à la prendre pour travailler dans l'été au Canada devant des autres pays. Astiella. Si pour nous, on est bien moins 5, maîtrise pas dans l'été pour 6h moins 5, dans notre place, si on finit à 3h du matin, ça y est là, la banque qui peut dormir, la banque qui accepte son travail, la banque Allah, que nous autres, Astiella, je vais faire là, oui, non. Est-ce qu'il faut me réussir carrément comme ça, la connaissance Allah? Chers frères et sœurs, nous pouvons aussi ce qu'on sait. Prenez le bon animaux, prenez le bon poisson. Quand nous pécons en bas la mer, ça rien qu'un qui a là, qui a l'espagne qui mange poisson, etc., etc. Allah peut connaître qui peut faire stella, oui, non. À partir de ça, nous qui disons, ça veut dire, il y a le masiné qui peut dire, nous, Allah connaît qui peut passer le salatier là. Qui a dit Allah connaît à nous? Quand je dis à moi, Allah connaît qui passe dans la terre. Qui garde vraiment sa robe là, connaît qui peut passer. Et troisième, chers frères et sœurs, c'est le mustaqbal. Al-mustaqbal veut dire le futur. Al-mustaqbal veut dire le futur. Connaissance Allah subhanahu wa ta'ala, chers frères et sœurs, quatrième là, nous donnons un petit peu après. Nous concentrons sur trois là parce qu'il est venu pour nous-mêmes. Quand nous causons connaissance Allah, nous causons une notion de connaissance dans le passé. Est-ce que ça rend là que tout ça qui vient de passer, oui ou non? Nous causons connaissance du présent. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala que tout ça qui vient de passer, c'était là, oui ou non? Nous donnons un seul exemple. Loin de là, qui nous met prendre, mais c'est moi, c'est cela. J'ai tout en face de moi là. Je ne pas même connaître qui n'a pas besoin de Dieu. Dans ma zine. Je ne pas même connaître qui n'a pas besoin pour de Dieu. Dans ma zine. Mais j'aimerais vous faire face à ça. Quand je mettais en nous, pas même 10 mètres en nous, qui peut passer derrière les deux, on ne connaît pas. Mais moi, la cause, vous pouvez faire face à ça. Mais Allah connaît bien avec ça, oui, non. C'est la connaissance du présent, ça. Quelle distance par là, on ne pas même connaître. Mais Allah connaît, oui, non. Ensuite, nous avons connaissance future. Connaissance future, chers frères et sœurs, ça ne fait aucun doute. C'est une personne qui connaît ça, excepté Allah. Quand nous mettons connaissance future, nous ne pouvons pas dire le salut, Inch'Allah, nous besoin après ça. Pas ça qui nous peut dire. Connais-tu qui nous peut dire? Qui est exactement nous pour commencer? Qui va l'action pour faire? Qui vous pour faire? Tout ça là, dans la moindre détail. Allah connaît nos futurs, oui, non. Allah connaît nos futurs. Et quatrième plus important, chers frères et sœurs, c'est quoi? C'est ça qui ne pas finir prendre place, pas finir arriver. Si tu y arrives, qu'est-ce que tu vas arriver à faire? Sa quatrième là, chacun sait comprendre de nos façons. Pour nous comprendre qu'il appelle connaissance Allah. Parce que connaissance Allah, ce n'est pas nous connaissance à chaque fois. Imaginez-nous, prenons l'exemple aujourd'hui, nous tardons 5 minutes, 10 minutes. La cause est un problème. Vraiment, c'est un problème. Chers frères, c'est parti récirer de ce problème là. Bon, tu peux venir dimanche, je te souris, je te présente, je te excuse. Mais pas capable avec les problèmes qui n'arrivaient, mais seulement nous faisons en sorte que l'autre semaine ça va arriver, entre frères et sœurs, Inch'Allah, l'autre semaine nous refait nous les choses. Ça, quand tu vous dis à lever, allez oui non. La question posée, qui tu peux le faire? Qui tu peux le faire? Et là, tu peux causer de ma zine. Et là, tu peux sortir une petite vidéo, tu peux causer sur ma frère. Et là, tu peux la case, bon, quand tu peux la case. Mais seulement, nous ne pas connaître qui tu peux arriver. Chers frères et sœurs, prenez bien, jusqu'à ça aussi, Allah connaît. Quelque chose qui n'est pas arrivé, si tu y arrives, comment tu peux être? Comprends bien? Parce qu'à partir de là, si vous ne comprenez pas connaissance, Allah c'est quoi? Bon, fini, tout le monde est là, ton bercé. À travers connaissance, Allah, quelque chose qui jamais prend place. Quelque chose qui jamais prend place. Est-ce que ça aussi, vous connaissez Allah? Qui a tes connaissances, ça? Je vous rassure, prenez bien. Alhamdulillah, nous avons une histoire avec Moussa alayhi salam. Trois actions qui viennent faire. Moussa alayhi salam vient poser question. Mais la série du gâteau concernant cet événement-là, c'est Hadith qui trouve dans son livre musulman. Quand je tire coup d'un bateau, quand cet oiseau-là posé, il est bec de la mer. Il est bec de la mer, il tire. Rigue. Cet oiseau-là dit, oh Moussa, tu ne gâtes ça? Qui ne fait? Je vois qui ne fait. Qui bec de la mer. Quand un oiseau bec de la mer, combien de gars nous voient? Comment dire, moi, ça, comme on nage, ça, j'ai mon autre couleur, moi, je vais aller me poser, je vais pas commencer là. Un oiseau, il bec de la mer, combien il prend? Chers frères et sœurs, rime de sa trois actions qu'il fait là. Si vous ne savez pas qu'il y a trois actions, mais là, nous, vous avez tout le petit trou, quoi, là, hier, ou à l'église sur la 18 sur la carafe. Rime avec Moussa, les salam, vos connaissances comparées avec ça qui est Allah. C'est sa goutte d'eau qui prend. L'armée qui reste là, c'est sa connaissance. Allah, cher. Vous connaissez comment dire l'armée, c'est quoi là? C'est sa 71% qui couvre ça, le monde là. Sa oiseau là, il prend quoi là? Il prend juste une goutte comme ça. Dans une goutte comme ça, au rythme de faire trois choses qui fait nous poser des questions. Mais c'est l'armée qui reste là, qui a des connaissances, ça, l'os. J'aimerais c'est ça qui nous veut dire connaissance, Allah. Quand on dit moi connaissance Allah concernant le futur, c'est qui en premier Si mon récit comprend Allah comme le futur, Allah comme dans quelques minutes qui pourra arriver là. Oui, cher frère. Et dans sa conviction là, Allah comme dans quelques minutes qui parole pour sauter dans la bouche. Vous pouvez le préparer là. Ça, c'est pas une question qui prépare ça. Ça, c'est l'infini en cours. Mais seulement, avant de soutenir la croix, déjà qu'on est qui pour sortir, oui ou non. Déjà qu'on est, cher frère. C'est pas mal quelque chose qui va dire, répéter ça pour faire une question de réflexion, mais amène-nous à méditer. Qu'une connaissance Allah, c'est quoi? Ça, quelque chose qui vous peut faire, ce qui vous peut penser là, Allah connaît, cher frère. Si l'école vous futur, mais vos présents, il peut être moi, oui ou non. Mais vous le passé, vous pouvez y trouver, oui ou non. Et donc, parce que vous connaissez tout ça là, oui ou non. Chers frères et sœurs, mais ça va là, c'est lui-même qui décide d'eux. Mais pas une question qui peut arriver là, même si tu es arrivé. Il peut connaître, oui ou non, ça a des connaissances là. Donc ça connaît. Moi, la cause moins de papa, la cause moins de maman, me dire, ça te quitte ça tout seul la case là. Nous ne prenons tout à l'heure. Amène-toi les autres, toi, qui n'es pas trop assis, il y a pas quitter la case. Mais tu ne sais pas quitter la case. Comment te connais-tu? Comment est-ce qu'il te connaît, toi, parent, qui si tu quittes la case pour arriver des autres? Comment te connais ça? De réviter ton côté? Il me dit ou non? Mais comment te connais ça? Il dit, vos enfants me connaissent. Deux enfants te connaissent, ils sont capables de 5 ans, 6 ans. Là, dans les temps où ils trouvent, quand ils commencent à faire action, mais c'est lui qui crée toi, là, qui a été plus comme toi, alors. Qui a été plus comme toi, qui si tu es parti, il est là, comme ça, tu peux aller. Chers frères et sœurs, on s'est dans la connaissance, Allah, ça a quelque chose là, respirez-nous la tête. Le passé, le présent, le futur, et quelque chose qui peut arriver, si tu es arrivé, au fait qu'il y a action, tu peux suivre. Quand nous guettons pas après, concernant la connaissance, Allah subhanahu wa ta'ala, en premier chef de verset, nous guettons sur l'al-hash. Ayat 22, nous pensons ce commencement, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Wallahu alladhi la ilaha illahu alimul ghaib. » Ça vous claque avec nous. « Allah, c'est lui Allah. « Alladhi la ilaha illahu. » Peine à aucun il a accepté. Ensuite, qu'il est dit, « Alimul ghaib. » Alim. Un alim. Quand vous dites ça, un alim, ça. Un alim. Mais seulement dans qui? C'est une connaissance spécifique. Ici, il peut dire, moi, Allah, il y a un alim dans quoi? Dans le rêve. Dans le futur, il y a un alim là-dedans. Est-ce qu'il me comprend, moi, Allah, quand il y a connaissance qui est là? Allah, subhanahu wa ta'ala, il y a un alim dans le rêve. Dans le futur, dans sa prochaine minute qui vous venez, qui vous dit là, qui action vous pouvez faire, qui où vous pouvez faire, qui où vous pensez, qui vous enfants peut faire, qui peut passer, tout ça là. Allah tu finis comme tout ça là, oui non. Il désaccorde tout ça là, chef. Allah subhanahu wa ta'ala désaccorde comme tout ça là dans le futur. Dans ce bâton de Bakara, concernant nous le passé et nous le futur, arrêtons le kursi, plus grand ayat qu'il y a dans le Coran. Qui fait appliquer un ayat qui n'a de Coran parce que c'est l'ayat de Coran qui prend le début jusqu'à la fin des causes concernant Allah. C'est l'ayat de Coran qui, depuis le début jusqu'à la fin des causes concernant Allah. Allah subhanahu wa ta'ala qui dit Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Il veut qu'on concerne nous là, nous insan. Ya'lamu et Allah qu'on ma bayna aydihim, bayna aydihim, c'est ce qui est devant, ce futur. Et il connaît tout nous le passé. Allah fait besoin de nous là. Dans l'ayat de Moussi, l'IPFN nous connaît qui paye la haine du monde qui finit passe l'eau salatée là, qui l'eau salatée là, qui pouvait l'eau salatée là, excepté Allah console le passé et console le futur. Sans lui finira la moindre seconde là-dedans. Qui a tes connaissances là? Qui a tes connaissances là? Un djimoun, deux djimoun, trois djimoun. Et nos parents peuvent plier ce enfant sur notre naissance. Mais. Ah, il me connaît. Mais tu as moi là, un seul monde. Il me connaît. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, pas un djimoun, pas une population. Mais tout djimoun, ils connaissent le passé, ils connaissent le futur. T'as des connaissances, Allah. Chers frères, est-ce que vous pouvez rester cadrez-moi, copier-moi, connaissance, Allah, c'est quoi ça? C'est un quelque chose, un lamier oui non. C'est un lamier, chef. Par autre con, la connaissance là, c'est quoi? Mais con, ça robe là, qui finit bien nous concernant ce connaissance. Nous continuons, chers frères et sœurs, Dans le Sama, ayat numéro 3, que Allah subhanahu wa ta'ala peut dire « La yazu an mithqala zarratin fis samawati wala fil ard wala asghar min dhalika wala akbar illa fi kitabin mubin » Ça vous dit là. Après le vidéo, Inch'Allah. Mais prends depuis ici. Que Allah subhanahu wa ta'ala peut dire « La yazu an mithqala zarratin » C'est un mot qui nous dit, on dirait, une passe inaperçue. Hadm, il veut dire une chose qui passe inaperçue. Personne ne m'a remarqué. Allah subhanahu wa ta'ala veut dire, la yazuru anhu mithqala dharra. Dharra, nous essayons de traduire pour dire atome. Peine à embrosser atome, qu'il soit dans les chiens ou bien dans la terre. L'eau la terre. Atome, hein, atome. Qu'il y soit l'eau la terre ou bien l'échelle, ou bien plus petit que ça atome là, ou bien plus grand, qui ou peut penser, il passe inaperçu devant Allah. Puis là, ça arrive. Ça l'a touché et puis on peut trouver une envolée là. Faudrait rayon soleil, il battait pour moi trouver. Ça l'a touché et puis pose le mot si c'est là. Faudrait moi passer là, mais pour moi trouver. Mais seulement il est dans la case, oui non. Mais seulement Allah connaît, oui non. Allah connaît chez toi. Qui vient? Parce qu'il vient à un atome. L'eau la terre léchée. Ou bien plus petit qui ça. Ou bien plus grand qui ça. Qui ne désapasse inaperçu devant Allah. Mais il connaît tout, oui non. Ça qui lui dit de sa ayat là. Essaye de me dire de sa ayat là, chers frères et sœurs. Pour moi, elle connaît, mais qui quitte chose qui peut passer, qui vient arriver, qui Allah subhanahu wa ta'ala pas connu. Chers frères et sœurs, nous continuons pour nous dire, parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il a nous reste dans quatre connaissances, Allah. Nous dit bien, nous permet ce hadith là pour nous dire nous-mêmes concernant connaissance, Allah. Nous d'accord que Allah donne nous le passé, oui non. Si quelqu'un n'est pas d'accord, on va mettre la même. Dans le mal, parce que nous finissons passé. Nous d'accord, Allah donne nous présent, oui non. Chers frères et sœurs, la grande question, vous faites comme si. Est-ce qu'il nous d'accord qu'Allah donne nous futur, oui non. Chers frères et sœurs, nous disons bien. Moi, je dis comme ça. Je dis mini. Si quelqu'un n'est pas d'accord, je vais mettre les lèvres la main. Nous si Allah donne nous futur. Qui futur nous met là? Est-ce qu'en 2014, ça l'année a terminé? Qui futur nous met là? Moi, bien, nous, vous posez une question là. Si quelqu'un connaît, il répond là. Après, il fait la bonne question, de toute façon, on dirait éliminer le débat. Essayez de poser le jeu. Ça Guette nous futur, est-ce qu'à quoi ça allait? Nous futur, nous prenons. Nous demain, ok, après le futur, oui, non. Nous la fin 10 mois. Mais qu'est-ce qu'on fait? On est en absence, on n'est pas besoin de prendre compte des minorités. Il peut couper, il va pas couper. Encore de valeur, on se calait là. Jusqu'à décembre, on nous a fait un peu de pour gagner un ticket d'avant. Nous fichions de cela, oui non? Nous fichions, c'est. Penchons. Quand nous prenons 65 ans. Nous fichions ça, oui non? Parce qu'il ne peut pas là pour vous dire que nous prenons l'absence pour le Hajj. Vous gagnez quoi? Nous fichions ça, oui non? Qu'est-ce qu'on comme ça là? Allah, chers frères et sœurs, que ça va pour moi. Prenez bien ce dire. Qui est-ce qui compte ça là? Qu'est-ce que nous-mêmes là? Allah connaît quoi de ça pour moi oui non? Il connaît qui est le moment pour moi oui non? Il connaît quoi de ça pour moi oui non? Allah connaît ça oui non? Qui cabale moi pour enterrer? Prenez étape par étape. Au fait, quand nous pétons, nous disons en général, ouais, tu es content pour enterrer. Quand nous grandit, tu as ce dire, ou bien pas content. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous si elle est rester? Chers frères et sœurs, demain, capable arrive nous un événement qui, au fait, nous quitte le pays, nous mourons. Mais qui peut faire ouvrir là? Qui peut faire? Chers frères et sœurs, est-ce qu'il nous connaît et la dîmoun et la famille capable de rester capable? Pas fait non, ou rester. Mais aussi, vous pouvez mettre nous là-dedans? Aussi. Mais que ça qui s'y est, donc, qui est capable de nous enterrer? Chers frères et sœurs, bejou qiyamah. Quand nous pouvons débouter, quand nous pouvons cause de bad hadith que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire, jour qui est quand vous pouvez lever, vous pouvez arriver que le trône Allah, vous pouvez trouver Moussa alayhi salam là-bas. Quand le prophète peut dire ça, mais actuellement il finit arriver ça. Actuellement pourquoi arriver ça, oui non. Mais il y a un fond dans comment on dit ça? Ça prophète à cause pas? Oui, oui. Mais qui ça qui me fait l'icône quand il faut lever, il faut arriver là-bas, il faut Moussa alayhi salam avant. Qui ça qui me fait l'icône? C'est Allah. Veut dire Allah finit l'icône qui peut arriver jour Qiyama, oui non. Reste bien là. Reste bien là. Ensuite, dites ça à l'île. Mamiko, mais nafsi, il a un homme roulement. Attention là, faites bien attention pour sa vie. Manzilu ha, min djanna ou walna. Vous faites le roi vous, si vous l'avez en bas, ça. Ça, c'est référence à l'île. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, aucun nafsi, excepté qu'il se place dans djanna et l'enfer finit être connu. Nous allons prendre l'explication à l'île, c'est là. Mais seulement quand on dit nous, Allah connaît nos futurs. Prenez-vous celui qui peut causer, est-ce que c'est lui qui peut écouter? Si Allah connaît nos futurs, prenez bien. Est-ce qu'Allah est difficile pour lui connaître? Est-ce qu'il nous dit qu'on habite à Jannah ou bien l'enfer? Allah finit connaître, oui, non. Parce qu'Allah connaît nos futurs, oui, non. Donc est-ce qu'il est difficile pour comprendre ce hadith-là? Est-ce qu'il est difficile pour nous comprendre un hadith comme ça quand une personne vient convaincue qu'Allah connaît son? Comme son futur. Chez principe et cause concernant Rolima. La question de faire bien attention avec sa verbe. Verbe là, elle veut dire connu. Connaissance, elle quitte chose. L'aime. Ensuite, il vient par Rolima veut dire connu. Pas tout le monde qui connaît. Pas tout qui connaît. Il dit qu'il est connu. Veut dire qu'il est celle qui connaît. C'est qui ça? Saisis Allah. Saisis Allah. Donc ça a dit ça, comment nous prendre, chers frères? Le fait qu'ils m'ont convaincu que le premier pilier du destin, c'est connaissance Allah. Ensuite, de connaissance Allah, mon bizarre, il a la conviction qu'Allah connaît mon futur, oui non. Pour me rendre de Jannah ou bien me rendre de l'enfer, c'est mon futur, ça oui non. Mais si ça mon futur, Allah connaît demain quand mon pour être de Jannah ou bien de l'enfer, oui non. Mais ça qui me dérange, si nous ne connaissons pas ça. Est-ce que moi, demain, je vais parler de Fajr? Est-ce qu'il y a un ça là? Quand Allah il connaît, demain, je parle de Jannah ou bien de l'enfer. Veut dire, moi, arrêtez de faire trois actions là? Est-ce qu'il cause nos actions ou bien cause nos connaissances Allah? Ça a dit là, c'est un preuve de quoi? De Jannah, l'enfer ou bien de connaissance Allah? Mais cause qu'on a connaissance Allah. Donc ça a dit ça, mais fait nous connaître, de nous la conviction, la confirmation qu'Allah connaît nous, futur, jusqu'à ce qu'il s'agit de nous arrive devant la peau de Jannah, ou bien il arrive devant la peau, mais tu ne sais pas trop de nous futur. Ça, ça a dit ça, explique nous là. Donc, chers frères, c'est pour ça qu'il nous dit bien, premier, pour nous, il y a quatre piliers, qui nous disent apprendre, c'est quoi? C'est qu'il nous disait d'accord qu'Allah connaît nous futur. Le fait qu'il m'a connu, Alhamdoulilah, aussi, sa connaissance qui est là, il connaît. Mais si il connaît, il connaît mon autre semaine, mon autre mois, mon autre année, comme mon bon, comme ça, mon bon terrain, jour Qiyama, parce qu'il est venu à la source, sallallahu alayhi wa sallam, connaît qui Moussa laisse la voix avant lui. Ensuite, est-ce qu'il est pour connaître ma direction qui va vous prendre, vers Jannah ou bien l'enfer, sans aucun doute, chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala connaît. Parce qu'il est fait qu'il connaît le futur, être sûr qu'il connaît tout cela. Donc, c'est ça l'explication de Sahadith. Fin une cause concernant la connaissance Allah, pas une cause concernant nous, insan qui nous a fait. Pas de dire nous arrête de faire bonne action, pas de dire nous fait, pas de dire nous, mais si Allah connaît, mais finis-moi avec l'action alors. Ça qui dit ça. Pas de dire, pas de cause du tout concernant l'action. Une cause concernant la connaissance Allah. Être sûr, le fait qu'Allah connaît nos futurs, chers frères et sœurs, il connaît tout, chacun pour venir nos futurs dans la moindre détail. Déjà une chose, chers frères et sœurs, c'est quoi? C'est Al-Kitab. Premier pilier, c'était quoi? Connaissance Allah. Qui nous connaît, Alhamdoulilah, concernant connaissance Allah? Le passé, le présent, le futur. Quatrième, là, c'est une question en plus. Si une question n'est pas arrivée, si elle est arrivée, que tu peux arriver? Déjà un pilier, c'est Al-Kitab. Premier pilier, là, vous prenez. Ou à médite l'eau là, c'est-à-dire. Parce qu'il faut vous biser pour me construire troisième semaine. Pour aujourd'hui, pour nous terminer, chers frères et sœurs, nous commençons avec déjà un pilier là. Al-Kitab. Guette le mot avant. Kitab. Kitab veut dire livre. Kitaba veut dire l'écriture. Kataba veut dire écrire. Si nous prenons l'île de façon plus simple, Al-Kitaba veut dire Allah subhanahu wa ta'ala fait faire écrire. Hadithan Shawel, tu veux voir avec nous? Il fait faire écrire. Au fait, il fait adresse avec une plume. Qui lui fait faire écrire? Basant nos sous-connaissances. Ça vous plaît pourtant, oui, non? D'accord, Lola, c'était Alhamdoulilah. Parce que ce premier pilier qui nous apprend, c'est quoi? Connaissance Allah, oui, non? Et l'école de Fidjia, oui, non? Mais basant nos sous-connaissances, l'India s'apprime là, et il y a des tout pichos jusqu'à Jouriyama. C'est ça le kitab. Prenez bien, chers frères et sœurs. Quand nous peut dire Al-Kitaba, c'est quoi? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait écrire. Or, qui s'en a dit une plume? Une cause avec une plume. Ça a dit d'avoir avec nous, l'Utsam Inch'Allah. Basant le guide, le sous-connaissance. Mais connaissance Allah, Alhamdoulilah, nous fait pour lui, oui, non. Allah, comme le fait Dieu, oui, non. Nous qui l'y astire. Quand nous peut dire le début de la création, Allah, comme le fait Dieu, ce qu'a joué Priyama, oui, non. Mais. Basant sa connaissance là. Allah subhanahu wa ta'ala fin Dieu sa plume là. Écrire tout qui chose de décrire, c'est ce qu'a joué. C'est ce qu'a joué prière. Hein? La grande question qu'il posait, quand ça lui décrire ça. Parce qu'en premier, vous êtes d'accord. Allah subhanahu wa ta'ala fin fait écrire ça, basant le qui était. De sa connaissance. Qui nous met retient pour sa connaissance? Le passé, le présent, bien le futur. Et Allah, connaissance future, il y en a à 100% oui non. Donc il n'a pas fait une plume écrire de ça qui peut arriver, oui non. Il n'a pas fait. Quand ça lui finit écrire, chers frères et sœurs, dans une place qui appelle Lawhil Mahfouz. Là, comment dire, comment nous dire, on dirait, vous pouvez commencer, pour Allah, nous pouvons se coster, oui non. Parce que quand une cause destin, quand tu veux une tante destin, quand une nièce ou la fille destin, il dit quoi, dirait Lawhil Mahfouz, Kader. Il va même comme ça. Et il y a beaucoup d'implications qui viennent. Lawhil Mahfouz, c'est oui, un des bonnes mots-clés qui nous suffit à attendre dans un sujet pareil. Mais seulement, vous ne pouvez pas prendre Lawhil Mahfouz, sans qu'il vous connaisse au fait c'est quoi. Prenez quelque chose qui vous bizarre, connaître Lawhil Mahfouz, chers frères et sœurs, et dites-moi. Si demain vous posez une question, c'est quoi Lawhil Mahfouz, au moins, ce qu'il y a, ça qui vous capable de répondre, Alhamdulillah, pour la connaissance qu'il y a, Allah, il fait nous connaître, c'est quoi? C'est une place. Qui Allah fait une plume écrire, l'eau décrit tout qu'une chose, basant le saut connaissance. C'est ça Lawhil Mahfouz. C'est ça Lawhil Mahfouz. Ça, c'est la première connaissance qui Allah subhanahu wa ta'ala fait une pierre avec nous pour gagner concernant sa Bible. Chers frères et sœurs, nous disons bien, là, nous arrivons à l'époque pour terminer pour sa semaine-là. Allah Lawhil Mahfouz en arabe. Qu'est-ce qu'on veut dire? Parce qu'il y a le Coran. Par exemple, sur la Buruj, où il y a des ayats derniers mots qui viennent. Bah, le Coran m'a dit, puis Lawhil Mahfouz. Qu'est-ce que première chose qui me prend, c'est Allah. Allah, c'est une boat. Une boat. Allah, c'est une plaque. Dans le langage arabe, l'or, l'âme, wow, et il veut dire une boat. Al-Mahfouz. Get bien. Et fait the. Hafadha. Hafadha veut dire mémoriser. Hafadha veut dire préserver. Al-Mahfouz veut dire préserver quelque chose. Hif. Qui veut nous dire ça? Un hafid. Parce qu'il parle pas la colline mémorise le Coran. La colline la colline préserve le Coran qui nous dit un hafid. Hafadha, oui, nous veut dire ça un hafid. Mais quand nous disons que nous ne pouvons pas faire, mais il mémorise le Coran. Il ne mémorise pas le Coran. Il préserve le Coran. Il y a une différence. Oui, j'ai appelé une différence. Parce qu'il y a une protection qui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui choisit pour lui protéger. Ça, pour Coran. Ça, pour Coran, il vient préserver ça, ça dit mon nom, de son léguier, de son la tête. C'est pour ça qu'il vient bien ça. Ça titre là, ça nom là, que le Bédéli est Hafid. Al-Mahfouz. Veut dire c'est une place qu'on finit être préservé. Quand nous venons de dire ensemble, Lawhil Mahfouz, veut dire c'est un bon qui préserve une petite chose. Ça qui appelle Lawhil Mahfouz. Lawhil Mahfouz, c'est quoi, chers frères et sœurs? C'est un bon. Comment dire? Vous ne pouvez pas connaître parce qu'il est dans 7e chef. C'est ça qui va avec nous, Inch'Allah. Mais Quand nous prenons l'ouvrir ma foudre, veut dire c'est un bon qui vient protéger. Pas les autres peuvent protéger lui, mais lui il vient protéger. Mais qui vient protéger comme ça? Ben nous pas fait Dieu t'aller là, alhamdoulillah, l'ouvrir ma foudre, c'est ça qui Allah subhanahu wa ta'ala vient de l'eau pour écrire, décrire tout créature jusqu'à jour qu'Yama, basé sur nos connaissances. Quand ça finit écrire tout ça là, dans l'ouvrir ma foudre, ben ça l'ouvrir ma foudre, lui peut préserver tout ça là, oui non? Il peut préserver tout ça, là, cher frère. C'est ça l'ordre de ma foudre. Donc, comme il dit, moi, l'ordre de ma foudre, pour un moment, oublier ma fausse interprétation. Non, essayez de prendre ça qui dit qu'il fait nous connaître, que c'est ça. Qui est ça? Ça qui dit qu'il fait nous connaître, c'est l'ordre de ma foudre, de nous préserver. Qui nous préserver? Il préserve ça, l'écriture. Ça qui finit être écrit, basant nos connaissances en mort. Prends des bruits avant la création. Jusqu'à jour qu'il y a, il finit d'écrire tout ça là. Quand ça y était ça, dans l'oreille mafouze. L'oreille mafouze là, qu'il y a une petite chose ça, oui, c'est un loso nous même qui finit gagner. Mafouze veut dire de préserver, tout ça qui finit être écrit. Chers frères et sœurs, à la fin, pour une petite chose qui nous bien connaît, c'est quand on peut dire l'oreille mafouze, d'apprendre Allah subhanahu wa ta'ala, pas la pénis, c'est pas l'oreille mafouze. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala fait appeler l'imam al-Mubin. De Surah Yassin, ayat numéro 12, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna nahnu nuhyil mawta wa naktubu ma qaddamu wa atharahu wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Et tout, wa kulla shay'in, toutes les choses, ahsaynahu, nous faisons godly. Hasso veut dire compter in godly, préserver bien. Comme ça, fi imam mubin. Imam, mubin veut dire clair. Imam, c'est pas. Pas ça, imam, là, il peut cause là. Imam, c'est quoi? C'est ça qui vient devant là. Quelqu'un qui vient devant, à la tête de tout. Chers frères et sœurs, nous disons bien. Qui fait Allah subhanahu wa ta'ala appeler pour imam ici? Le premier qui finit gagne à l'écriture là, avant même amen nous, avant même amen mal prophète, avant même amen la création de la terre et le ciel, avant même, qui ne vient avant? L'homme est ma fausse. Les mêmes premiers, oui non? Premier comparé à nous là, Allah subhanahu wa ta'ala que les gens ici là. Comparé à nous, insan, comparé à nous, les ciels, comparé à nous, la terre. Tout ça, même créature qui nous veut trouver là, qui s'en a tiré ça devant nous, c'est pas l'origine ma faute, c'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui n'appelle l'hypothèse, imam mubin. Et comme ça même nous trouvons dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala qui n'appelle l'hypothèse, al-kitab. Qala fa ma ba'li al-quruni oula, qala ilmuha inda rabbi fi kitabin, la yudillu rabbi wala yansa. Ça c'est Pharaon qui dit là. Fa ma ba'li al-quruni oula, ben il va une première génération là au Moussa. Qui n'arrive juste ça? Moussa alayhi salam dit Qala ilmuha inda rabbi fi kitab. Ça qui te dit là, au fait, dit auprès de mon Rab. Rinda veut dire auprès. Rinda rabbi fi kitab. Dans un livre. Dans un résis. Là, il y a d'autres rabbi. Voilà, il y a ça. Mon Rab, jamais. Pour faire errer des amis d'oublier. Mais ça qui est avec nous, c'est quoi, cher professeur? Livre là, côté là. Nous devons s'approcher un peu au livre là. Livre là, alhamdoulilah, nous connaissons qui est ce titre là. Alhamdoulilah, nous connaissons qui est contenu. Mais quand ça y était, Rinda Rabbi. Et ici, Allah subhanahu wa ta'ala, sa livre qui appelle l'Orhid Mahfouza, il finit d'appeler l'Ipah, Kitab. Il finit d'appeler l'Ipah, Kitab. Et bien, chers frères et sœurs, c'est de Surah Hajj. Ayat 70 que Allah subhanahu wa ta'ala dit Alam ta'alam anna Allah ya'lamu ma fi samai wal ard inna zalika fi kitab. Est-ce qu'il ne te pas connu que Allah connaît tout ça qui est dans le monde de la terre? Tu ne pas connu Allah connaît tout ça qui peut passer dans le monde de la terre? Certainement inna zalika, mais tout ça qui peut passer là, quand il déjà été ça? Il déjà de sa livre là? Il déjà de sa livre là ou non? Chers frères, je prends bien. Quand tu étais, quand tu es assisé à Zodi là, quand tu es assisé à Zodi là, si pas quand on a une caméra, si pas ce. On te suis assisé là-bas, mais quand la côte. Assisé qui te met trouve-toi dans sa place là, toi. Mais c'est dans sa livre là, tu finis écrire ça, oui non? Ça qui me fait nous comprendre. Mais ça qui te fait dire à ce là, il n'a pas les capis qui t'a, mais c'est ça dans le livre ça. Tu peux bien maintenant, il est nouveau là toi. Mais seulement, chers frères et sœurs, nous disons bien, comme nous avons répété la semaine passée, et Alhamdulillah, ça nous fait dire au commencement et nous verrons dire à la fin. Alhamdulillah, nous venons prendre des sessions. Nous venons apprendre un petit chose. Alhamdulillah. Mais seulement, pas le plus que ça qui nous apprend. Pas le plus ça qui nous vient apprendre. Qui vient? Parce qu'il dit suffit que nous venions qui motivé à cause des stèles pour parce qu'on est venu à quatre piliers. À ce qui est dans mon quatre piliers là, là nous apprenons concernant un ennemi. Pourquoi on est déjà là pour là? Mais comment se fait-il? Mon apprentissage est ennemi pour pas qu'on dit dernier là pour pas cause d'autres à ce sujet là. Bon, vous êtes content, reste tranquille ou non? Bon, vous êtes content, reste tranquille. Ça, c'est le dernier point qui est avec nous pour aujourd'hui, chers frères et sœurs. C'est quoi concernant l'or et ma faute? Et c'est de la même qu'Inch'Allah, l'autre semaine, nous vous commencez. C'est quoi? C'est le deuxième pilier. L'or et ma faute, un, nous préparons aux explications concernant ce qui est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous fait écrire là-dedans. Hadith qui vous vient avec nous. Ensuite, nous vous continuons pour nous guérir. Ben non qui vient venir, ensuite nous continuons, côte salle située, qui est dans la dent, et nous venons avec troisième pilier du destin, Al-Mashi'a, ça qui Allah voulait, et quatrième nous venons avec création, veut dire apporte Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça qui reste, c'est la création, et ensuite nous terminons le premier parti, le premier parti concernant nos connaissances du destin, dans la tête et comme ça, connaissance du destin, premier c'est nous avons une pré-croyance, nous là. Veut dire en connaissance ce prêt, sa signification, ce malpilier, et comment vous amenez maintenant. Déjà, c'est pas de doute ou bien pas de question qui vient. Ensuite, troisième, c'est pas d'erreur qui vous venez. Ça demande sa même qui suit, Inch'Allah. Wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.